Dans un premier temps, on a cru une mauvaise blague de sa part, avant de se rendre compte que ce n'était pas du tout le cas, raconte un spectateur. Une ambulance a été appelée et l'artiste de 82 ans a dû être emmené en clinique. Par bonheur, le dimanche matin, les nouvelles étaient rassurantes. André Brasseur avait pu rentrer chez lui durant la nuit. Et c'est une bonne nouvelle, car André Brasseur est une légende belge. C'est un king de la soul et de la radio. Ses musiques ont irrigué les génériques des programmes de Radio 1 ou de plusieurs stations en Hollande dans les années 60 et 70. Il avait même signé chez CBS à Londres pour plusieurs albums et avait collaboré avec James Brown ou Claude François. Nous sommes en 1968. Nous sommes à Bruxelles. Voici Funky. Thinking of you and During the course of the day, you are the melody to which my life dances. It is no wonder that I am consumed by you. You fill me. It is no wonder to me that I can't live without you. For without you, I am not even alive. À la discothèque indépendante tous les jeudis soirs, danser sur nos tubes indie préférés jusqu'au petit matin. Allez, discothèque indie, la discothèque indie, à la discothèque indie. Oh ouais. Gonna be alright. nuit des temps, l'international de la danse. Robbie's cocaine, Campari's at the party, play the Atari at the after party, getting naughty, Don Johnson nudes. Eyes sparkly, life was awesome, dude. I was just a kid back then, but my dreams were like palm trees back then. Dreams like palm trees back then. Lee John était choriste au sein des Delphonics, un célèbre groupe pour sa soul de Philadelphie dans les années 70, et puis plus anecdotique, mais quand même abondamment utilisé par Tarantino dans son cinéma. Il rencontre le producteur Trevor Horn, qui aura, lui, façonné une partie du son des années 80 et fonde une usine à hits avec deux autres musiciens, Ashley Ingram pour la basse et Errol Kennedy, le batteur du groupe américain Midnight Express. Body Talk, Flashback et surtout Just an Illusion tourneront dans tous les clubs du monde. Imagination, car c'est le nom de ce groupe, est une sorte de post-disco-funk hyper mélodique avec cette particularité d'élaborer des rythmes d'une rare lenteur mais gorgés de groove et des voix génialement androgynes, chaleureuses, so sweet, dans la lignée des Earth, Wind & Fire, passées pour le coup au synthétique. Nous sommes à Londres. Imagination, Changes, remixé ici par, il y a peu, Dimitri from Paris. Change, change, change, change, change. des temps, Radio Duo. Oh, All right, gentlemen. Free your mind. I'd like to free something. Focus. That's what I was thinking. Just focus. Whatever. Hello. I say, how about a little kiss? Divine Comédie, le port clé de la semaine dans la nuit des temps. Quelque chose pour le week-end. Il nous faut quelque chose pour le week-end. C'est notre mantra ce soir dans la nuit des temps avec les Divine Comédie. All possibilities are landing at my feet. There's nothing I can see but possibilities. possibilities. All the colors are changing in my eyes. Your hopes are all fading, that will never do. You're seeing the world through cynical eyes. I'm seeing the world through the eyes of somebody new. Merci Bodley Drone Boy. Quant à Adán Jodorowsky, eh bien c'est le fils du réalisateur chilien Alejandro Jodorowsky. En 2018, il reprend Couleur Café de Serge Gainsbourg. La nuit des temps, l'international de la danse. And the church shall come to claim you with my iron drum. caravans and lots of jam. The maids of honor singing, crying, singing tediously. Here it goes, la la la la la la la la. Yes, here it goes, la la la la la la la la. John Cale a débuté dans le Velvet Underground et poursuit une carrière solo totalement hors norme, hors des sentiers battus, comme cet album sublime sorti en 1973 et qui s'appelle tout simplement Paris 1919. On peut souhaiter la même trajectoire au collectif anglais Salt avec sa house fabriquée à la main et un brin garage. Nous sommes à Londres en 2022. Take me higher, higher, oh. On your birthday, when you asked me to do a strip tease to the theme from Mighty Mouse, I said okay. When we were at that hotel prom night, you asked me to sleep underneath the bed in case your mother burst in. I did it. And even when we were at my grandmother's funeral and you told most of my relatives that you could see her nipples through her burial dress, I let it slide. If you think that I'm gonna suffer any more of your shit with a smile now that we're broken up, you're in for some serious fucking disappointment. Come to me. En power play dans la nuit des temps, c'était Junior Boys et leur house déstructuré. Ce soir on oublie nos galères, ce soir on sort et on oublie tout. Ce soir la vie n'est plus un enfer, ça flash partout. Ce soir on sort, on oublie nos galères, ce soir on sort, on vous dit pas tout. On va oublier tout, oublier tout, tout oublier. Dance the night away. Merci d'exister. C'est Bibi, Bibi Flash. One, two, three, four. On se calme. Ah oui, c'était la version vocale de Bibi Flash, un obscur tube des années 80 qui a un petit peu tourné dans les boîtes. Mais pas du tout dans cette version. Eh bien voilà, il est déjà temps de refermer les portes de notre bon vieux club. C'était la nuit des temps avec Sur le Dance Floor. Ce soir, nous avons reçu Morrissey, tout droit sorti de sa retraite californienne. André Brasseur, à qui l'on souhaite un bon rétablissement, qui s'est remis de ses émotions avec son orgue depuis Bruxelles. Les fantastiques Divine Comedy en powerplay cette semaine, et qui auront donné tellement de bonheur au cours des années 90 et 2000. Flegmatique, cultivé, tout en autodérision joyeuse et surtout des mélodistes hors pair. The Divine Comedy, tout est à redécouvrir ou découvrir. Il y avait également les Baudry Drone Boy de la même époque. et qui aura eu un destin un peu moins glorieux que les Divines Comédies, mais ce titre All Possibilities était absolument génial. Adanowski également est entré en piste avec sa reprise de Serge Gainsbourg depuis le Chili. John Cale, dandy parmi les dandys. Salt est leur album de 2022, toujours aussi impressionnant. La house déstructurée de Junior Boys également en 2022, haut placé au registre impressionnant, qu'on retrouvera d'ailleurs bientôt en powerplay dans notre programme. Puis voilà, on se quitte sur Bertrand Burgala, sans qui la vie serait quand même moins drôle. ...22h sur Radio Duo, la nuit des temps est ouverte 7 jours sur 7, jour et nuit, mais cette fois, il faut aller sur le site internet de Radio Duo. Et vous retrouverez notre programmation également sur Instagram à la nuit des temps 2. Programmation, indication, podcast, c'est facile à trouver. L'été s'en va tout doucement, mais les étoiles restent dans le beau ciel de Saint-Étienne. Restez bien sur le 89.5 de Radio Duo. Passez une très belle nuit. On se retrouve la semaine prochaine. Salut !Quelques instants, comme à la radio, Duo. Le temps de brancher les machines, d'ouvrir les rideaux, de baisser la lumière, et vous allez entendre plein de choses super. Take a walk. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across the USA. She plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. And she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Out on the island, in the back room, she was everybody's darling. But she never lost control, even when she gave a soul. Said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey Candy, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. With a hustle here and a hustle there.